Ce soir, à l'aérospatiale, Corpuscule à la Galerie des arts visuels, Richard Cloutier expose à la bibliothèque Aliette Marchand, les expositions en cours à l'Œil de Poisson et les photos de Marion Desjardins présentées à la Maison pour la danse. Bonsoir à tous, nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1 et vous écoutez l'Aérospatiale, le magazine radiophonique entièrement consacré aux arts visuels à Québec. J'entienne la France à l'animation, je serai avec vous pour la prochaine heure pour découvrir ce qui se passe dans le monde des arts en ce moment. Dans un instant, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec la jeune artiste Marie-Lou Kenny-Gagnon qui expose actuellement à la Galerie des arts visuels à l'Université Laval. Ensuite, je vais recevoir Richard Cloutier pour parler de son exposition « Inventaire des peines perdues » qu'il présente à la salle Irénée Lemieux de la bibliothèque Aliette Marchand. Par la suite, Jean-Michel René, fera une chronique sur les expositions « Blue Skies » de Megan Dickey et « Ode aux cœurs endormis » de David Martineau-Lachance, toutes les deux à l'œil de poisson. Et pour terminer, la chroniqueuse Sophie Lessard-Latendresse va nous présenter l'exposition photo de Marion Desjardins qui se tient actuellement à la Maison pour la danse. Avant de continuer, on va prendre une courte pause avec une ambiance musicale proposée par Simon Roy. Donc cette semaine, Simon nous présente le groupe The Underscore Orchestra, un groupe qui est inspiré des musiques traditionnelles de l'Europe de l'Est et qui nous vient directement de Portland en Oregon. Alors, sur ces beaux rythmes balkaniques, Marie-Lou Kenny-Gagnon en studio avec moi. Bonsoir, Marie-Lou. Bonsoir. Donc, Marie-Lou, tu présentes l'exposition Corpuscule à la Galerie des arts visuels. En lisant le communiqué de presse, on dit que tu commençais par une pratique qui est plus photographique. Et là, ce que tu présentes dans l'exposition, c'est pas du tout des photographies, c'est des objets lumineux, comme on pourrait dire, pour les décrire là, succinctement. On va développer là-dessus dans les prochaines minutes. Mais j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a mené d'une pratique de la photographie à la construction d'objets de matériaux bruts et de lumière? En fait, il y a eu vraiment beaucoup d'étapes avant de me rendre à ce type de pratique-là. Je dirais que ça a commencé avec une sorte de prise de conscience que, En fait, le moment qui m'intéressait dans la photographie, c'était celui où l'image apparaissait sur le papier. Oui, la magie de... oui, des selles d'argent. Exactement. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'image était fixée, j'avais un total désintérêt envers ce que j'avais produit. Puis là, je me suis dit que finalement, c'était peut-être le phénomène lumineux qui m'intéressait. Puis ça m'a mené à travers plusieurs étapes, là. Mais je dirais que la suite a été de travailler la photographie sous la forme des livres d'artistes ou des livres-objets. J'essayais un peu de prendre un virage vers l'objet, justement, puis la succession des pages faisait qu'il y avait une sorte de déploiement dans l'espace. Ensuite, j'ai commencé finalement à travailler avec les boîtes lumineuses. Puis je pense que c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu sortir de quelque chose d'assez commun, en fait, parce que la boîte lumineuse, déjà on en voit des tonnes dans les pour abibus. La publicité, tu sais. Mais je voulais rendre ça plus personnel, donc j'ai vraiment été plus vers l'objet en tant que tel. Donc, ces petites boîtes, ces petits dioramas qu'on voit dans l'exposition, il y en a trois. C'est quelque chose qui est plus ancien dans ton travail? Ben, le dispositif, oui. Je dirais que oui. OK. La manière dont je l'investis complètement différent, là. Oui. Puis, c'est intéressant parce qu'il y a un rapport très, très intime parce que c'est des paysages que tu nous présentes. Presque des paysages oui, un peu abstraits. Il y a des abstraits. Gens qui les voient pas, mais oui. Des paysages un peu abstraits qui sont illuminés par derrière. Mais il faut s'approcher, puis il faut comme entrer son regard dans cette boîte-là qui est faite de bois de contreplaqué. Puis c'est intéressant parce que la lumière, elle vient chercher tout le grain aussi du contreplaqué. Est-ce que c'est un élément avec lequel tu jouais aussi dans les formes recherchées? Oui, je l'ai utilisé, ben, en fait, consciemment, surtout dans la troisième, là. Il y en a une des trois qu'il y a vraiment les lignes du bois qui fait un peu comme une espèce de mouvement de vague. Oui. Puis ça revient aussi dans d'autres œuvres. Fait que finalement, mais c'est vraiment en mettant la lumière dans cette boîte-là que j'ai remarqué le potentiel, en fait, de la matière, là. C'est vrai que la forme de la vague et le mouvement de l'ondulation est quelque chose de récurrent qu'on retrouve dans un peu toutes les œuvres que tu présentes dans l'exposition Corpuscule. Il y a quelque chose de l'eau aussi dans oui, ce, beaucoup. Ouais, de l'inspiration de l'eau. Et puis il y a aussi le titre Corpuscule, oui. qui est très intriguant pour moi. Il a fallu que j'aille le chercher là. C'est pas un mot que je connaissais. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, aux auditrices, d'où t'es provenu ce mot-là? Quelle est l'idée derrière? Ben, en fait, j'étudiais la lumière dans toutes ses formes scientifiques, je dirais. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait eu la théorie corpusculaire de la lumière qui est pas... En fait, qui est pas juste, là. La théorie est démentie. Finalement, c'est devenu des particules. Fait que finalement, corpuscule, c'est un peu l'ancien nom de particules en ce qui a trait à la lumière. Mais c'est aussi un jeu de mots pour faire référence au crépuscule. Et ben moi, je vois aussi le mot « corps » dans « corpuscule mm-hmm. ». Et il y a quelque chose aussi du rapport au corps qui est important dans la phase... faut le dire, la mise en espace, des œuvres dans cette exposition-là, présentée à la Galerie des arts visuels, est très, très réfléchie. On le sent, elle est très réfléchie. Les œuvres respirent beaucoup. Mais il y a également un rapport au corps qui... donc, on doit s'étirer, on doit se pencher, on doit justement s'approcher de ces petites boîtes lumineuses, ces petits boîtiers lumineux, je dirais plutôt. Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis beaucoup, ce rapport au corps-là des installations? Oui, en effet, c'est une de mes préoccupations. Je pense que c'est pour faire référence à comment moi j'observe les choses pour en arriver à ces résultats-là. J'ai comme l'impression que j'essaye de transférer mon expérience, au moins dans le rapport à l'espace puis au corps. Mais, tu sais, c'est quelque chose d'assez subtil. Oui. C'est bien que quelqu'un le remarque. Oui, ben puis c'est intéressant aussi parce que, bon, là, il y a personne qui nous voit, mais toi, t'es petite, moi, je suis grande. Mm-hmm. On a vraiment je un rapport... Je pense à ça aussi. Oui, on a un rapport qui est différent par rapport aux œuvres. Moi, il faut que je me penche pour regarder dans les boîtiers, oui. Entre autres. Mais un rapport au corps aussi, dans cette œuvre-là, on va en revenir à cette œuvre-là qui, je dirais, qui est un peu l'œuvre principale. Elle est volumineuse, elle est également plus lumineuse. Mm-hmm. Moi, j'ai pris quelques photographies dans l'exposition. On a cette lumière bleuté qui vient envahir tout l'espace d'exposition qui est plongé dans le noir, il faut le dire. Mais il y a aussi un rapport au corps dans cette œuvre-là. Il y a quelque chose du gisant, quasiment, de, comme d'un personnage couché. Est-ce que c'est des éléments qui viennent alimenter tes réflexions? Je dirais que oui, mais c'est la hauteur de cette œuvre-là qui m'a vraiment pris du temps à trouver. Là. Oui. Je pense que c'était pour avoir une espèce de contact un peu viscéral avec quelque chose d'un peu primitif, finalement. Mm-hmm. C'est quand même à hauteur du ventre, on pourrait dire ça. Oui. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui est complètement différent de si on le met plus haut ou même plus bas. Là. Oui, ben c'est à la hauteur du ventre. Ça vient nous chercher plus facilement, on dirait. Oui, exactement. Donc, quand on parle de nos tripes, c'est... très organique. Il y a quelque chose de très organique aussi. Donc, faut le dire, là, si on veut y aller un peu dans la description, c'est un matériau mousse, là, un peu ouateux, je dirais, c'est de la bourrure de coussin. Oui, c'est de la bourre de polyester. Exactement. Puis, donc, ça fait comme une espèce de gros nuage allongé qui illumine de l'intérieur, d'un bleuté, je le disais. Et les autres installations ont des couleurs de lumière aussi différentes. On sent aussi qu'il y a un souci dans le choix des couleurs. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu réfléchis ce choix de couleurs-là dans tes œuvres? Ben, en fait, pour cette exposition-là, j'ai travaillé par zone. J'espérais avoir une espèce de dégradé, en fait, dans l'espace, sur les murs, comme l'œuf bleu. Toute la zone devient un peu bleutée. Quand on passe vers le milieu, c'est un peu plus rosé, puis ça devient jaune, neutre. J'ai voulu vraiment faire un dégradé dans cet espace-là. Donc, un côté plus froid, puis un côté plus chaleureux. Oui, il y a un passage comme ça. Mais c'est aussi, en fait, parce que je travaille avec le LED, ou le DEL, plutôt, en français. Mais ça vient avec des couleurs très... En fait, on peut pas les changer tant que ça. Là. Je veux dire, il y a rouge, le bleu, le vert. En fait, c'est un magenta, c'est même pas un rouge. Moi, j'ai décidé de travailler ces couleurs-là, lumière, avec différentes matières transparentes. Puis ça me donne beaucoup plus de... En fait, plus de choix, là, finalement. Puis ça peut être plus fin aussi comme traitement, je dirais. Ah oui. Donc, tu travailles avec des matières transparentes, avec des matières translucides. Il y a aussi... quelques œuvres avec des aspects cinétiques. Oui. Y en a deux, en fait. Y en a une dans laquelle on ne voit pas le mécanisme et l'autre dans laquelle on voit le mécanisme. Oui. Peux-tu nous parler de ce choix-là que tu as fait de présenter de deux manières différentes le cinétisme de l'œuvre? Ben, j'ai comme compris, en fait, que si le mécanisme était toujours visible, on tomberait un peu dans une sorte de démonstration. Oui, il y a quelque chose de didactique. Oui, puis ça, c'était vraiment pas mon intention. Mais pour ce qui est de la petite jaune, là, on va l'appeler comme ça, la petite jaune, ils ont pas de titre. Je l'ai laissé comme ça parce que je trouvais ça quand même beau. Je veux dire, c'était pas dérangeant, je trouvais pas que ça nous... Que quand on voyait le mécanisme, finalement, on revenait devant l'œuvre. Puis on était déçus. Je pense que ça en faisait beaucoup plus partie que si j'avais laissé l'autre comme ça, c'était différent. Là. Donc, on ne détruit pas le mouvement ondulatoire avec le mécanisme. Il y a quelque chose qui... C'est quand même cohérent, finalement. Qui coule de source. Et une dernière question, je reviens encore au communiqué de presse. Un des éléments qui est apporté dans l'explicatif de l'exposition, c'est cette utilisation-là du concept de bricolage qui a été théorisé par Claude Lévi-Strauss que tu utilises dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de quelle manière tu utilises le concept de bricolage? Je pense que je colle vraiment au modèle du bricoleur parce que je travaille en fait avec les moyens du bord, premièrement. Je choisis pas... en fait, j'ai pas de plan, donc je peux pas aller choisir mes matériaux d'avance ou... C'est dans la manipulation des choses qui se trouvent autour de moi que je trouve mes idées puis que finalement je construis mes objets. C'est un peu pour ça, mais ça pourrait être beaucoup plus long si j'en disais plus là-dessus. Mais oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est également là, une exposition qui clôt toutes les réflexions d'une maîtrise. Là, donc, il y a beaucoup à dire. Mais si les auditeurs veulent en savoir plus sur ton travail, tu as une conférence demain. Oui. À la salle de critique au troisième étage de l'édifice de la Fabrique à partir de 16h30. Et il y a également une activité dans le cadre des Journées de la culture, tu me disais. Oui, le 29 septembre, je vais être sur place de 13h à 16h. Donc, un appel à tous. Si ces œuvres vous intriguent et vous voulez en savoir plus, cette exposition se poursuit jusqu'au 21 octobre à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Merci beaucoup, Marie-Lou. Et nous, on passe en pause audio avec un extrait de El Valle de los Elefantes. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. J'ai avec moi en studio Richard Cloutier. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Richard, tu présentes l'exposition « Inventaire des peines perdues » à la bibliothèque Aliette Marchand. Donc, une exposition où tu... donc, ta démarche se situe au croisement de la peinture et de l'architecture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce croisement-là que tu fais entre deux arts qui ont des similitudes, mais qui ont quand même des visées différentes? Oui, mais c'est un sujet assez complexe sur lequel je me questionne, en fait, depuis beaucoup d'années. Bon, je suis architecte de formation. J'enseigne l'architecture à l'école d'architecture, donc c'est un domaine que je connais bien et que j'aime beaucoup. Je fais de la peinture depuis très, très longtemps aussi. Après, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai vraiment eu envie d'aller me frotter de façon plus sérieuse avec le côté art visuel qui m'interpellait énormément. Donc, finalement, je suis retourné sur les bancs d'école. J'ai un bac, j'ai fait une maîtrise aussi en art visuel, donc ici à Laval. Et finalement, c'est drôle parce que quand j'ai commencé à étudier là-bas, je voulais comme me débarrasser de l'architecte. Mais finalement, ça me rattrape parce que dans le fond, l'architecture, c'est une manière de décomposer l'espace ou de voir les choses, en fait, un peu comme graphiquement ou en tout cas. Donc, c'est beaucoup ça qui m'influence beaucoup. J'ai comme développé, comme beaucoup d'architectes, en fait, une espèce de plaisir à regarder les dessins d'architecture ou cette espèce de promesse-là d'un espace qui n'est pas encore construit. Puis j'ai comme un plaisir à importer ça dans la peinture, parce que pour moi, la peinture est comme un peu comme l'antithèse du dessin architectural, dans le sens que c'est un médium, pour moi, qui a comme sa propre vie, ou qui est très... qui est autonome. Qui est autonome, ouais. Puis je sais pas, tranquillement, on dirait que de peindre des traits, ça m'a... c'est devenu quelque chose que j'aime beaucoup, donc... Donc, des traits. Il y a 18 tableaux dans cette exposition-là qui, au premier regard, peuvent sembler être basés à peu près toutes sur le même schéma de base. Mais en regardant un peu, on peut voir que les motifs sont similaires. Donc, on fait un jeu de comparaison. On voit les ressemblances, les différences. Et tu as décidé de les exposer collé. Comment t'es venue cette idée-là et pourquoi? OK. En fait, dans des œuvres antérieures, il y avait peut-être déjà un peu l'apparition de ça ou de cette idée-là qui avait peut-être potentiellement un intérêt à faire vivre les tableaux les uns collés sur les autres pour comme occuper l'espace autrement, mais j'avais jamais comme poussé ça ou eu vraiment l'occasion de le faire. Avec ce projet-là et avec cette salle-là, j'ai vraiment comme consciemment voulu exploiter ça. Donc, parce que finalement, souvent, je fais des séries de tableaux avec des structures qui se ressemblent beaucoup. Mm-hmm. Et là, je l'ai vraiment fait de façon volontaire en me disant, ben, OK, je vais comme réduire au minimum un peu le sujet qui est sur la toile, mais vraiment miser sur la cohabitation de tous ces tableaux-là pour voir comment ça va s'étendre dans l'espace ou se prolonger d'un tableau à l'autre. Donc, j'ai vu une exposition il y a un peu plus d'un an aux États-Unis où l'artiste avait répété vraiment des cercles, presque une cinquantaine de cercles, mais lui, c'était plutôt avec des médiums différents. Puis j'ai comme eu cette espèce d'idée-là qui m'a pas lâché. J'ai dit, bon, mais faut que je trouve une manière de travailler dans cet esprit-là. Et donc, c'est très intéressant parce que justement, il y a ce jeu de comparaison visuelle, de comparaison graphique qui embarque beaucoup. On a le regard qui circule d'un motif à l'autre, d'un tableau à l'autre. Et c'est là qu'on se rend compte que, à prime abord, oui, la structure est très, très similaire, mais les techniques de peinture employées sont très différentes d'un tableau à l'autre, mais il y a une espèce de tension entre ce qu'on appelle en bon chinois, comme dirait Madame Massé, du hard edge. Mm-hmm. Un travail plus expressif de la peinture, donc laisser la peinture éclabousser un peu sur la toile. Qu'est-ce que tu recherches dans cette tension-là entre les deux techniques? Oui, c'est une excellente question. En fait, je pense que pour moi, quand je suis dans l'atelier, il y a beaucoup de... Je sais pas trop comment... Je veux pas que ça sonne de manière péjorative, mais je suis toujours un peu en dualité entre mon côté architecture et c'est mon ça, côté hein? art visuel. Et d'à peu près tout ce que je fais, il y a comme toujours des portions qui sont plus précises, des portions qui le sont moins, des portions qui vont être même volontairement rendues moins précises. C'est pas tout à fait clair dans ma tête pourquoi je travaille comme ça, mais c'est effectivement une espèce de tension entre ce qui devrait être précis parce que c'est comme à tendance architecturale, mais en même temps l'espèce de plaisir très primaire d'appliquer de la peinture puis de la voir, j'allais dire faire ce qu'elle veut. Oui, c'est un peu naïf. De laisser le hasard jouer, oui. Puis les accidents se passer sur la toile. Donc, si on revient à ce moment-là où tu as commencé à étudier en art visuel et tu voulais te libérer de l'architecte en toi, c'est un peu ça qui se passe. Mais probablement, c'est quelque chose de très... Comment dire, des fois, c'est tellement proche de moi que j'ai de la misère à en parler clairement. Mais oui, je pense que c'est une espèce de... C'est des allers-retours, en fait, entre... Oui, exactement. Entre deux facettes de mon travail, finalement. Mm-hmm, Puis, je sais pas, je pense que à travers la peinture... Je sais pas, il y a comme cette manière de ne pas résoudre ce problème-là. C'est comme si je trouve ça intéressant, finalement. En fait, je cherche pas à trouver une réponse à cette espèce de double personnalité. Je préfère comme jouer avec ça, finalement. Non, on s'installe entre les deux polarités, oui. Puis on balance. Oui. Et une chose qui est intéressante aussi avec l'exposition... Inventaire des peines perdues que tu présentes à la bibliothèque Aliette Marchand, Richard Cloutier, il y a ces couleurs très claires, ces teintes pastels. Pourquoi en es-tu venu à travailler avec cette gamme de couleurs, ces teintes-là qui viennent un peu qui viennent un peu effacer les différences entre les œuvres? Je pense que c'est comme de manière assez naturelle, je travaille souvent avec des couleurs très claires comme ça, des blancs pas très nets, des gris, des bleus un peu poudre, des couleurs un peu passées où en fait, ça m'arrive des fois de faire des tableaux avec des couleurs beaucoup plus franches, saturées, ouais. Mais malgré tout, elles vont jamais être très nettes. Elles sont toujours comme défraîchies ou composées de tellement de couches de couleurs que finalement, on sait plus trop c'est quoi. Je sais pas, je pense que j'allais dire, peut-être encore une fois, c'est mon côté architecte, mais j'ai une fascination pour les vieilles constructions ou les bâtiments qui sont en train de... Il y a quelque chose de la ruine. De pâlir sous le soleil ou de... Je sais pas, peut-être que c'est... Je pense que c'est peut-être... Un petit côté romantique. mais même si des fois, je me dis, bon, là, OK, je vais prendre des couleurs plus punchy, tout ça, on dirait que c'est inévitable. Je finis par comme délaver tout ça ou peut-être c'est comme une manière d'effacer ou de d'atténuer ou je sais pas, de faire comme un ménage finalement. Oui, d'adoucir le tout. Et puis, tu parles de ton processus, de comment tu peins, puis on le sent beaucoup en regardant tes œuvres. Il y a un jeu de... Puis c'est de l'acrylique, donc il y a un jeu de superposition. J'imagine que tu fais un premier tableau, un deuxième tableau, un troisième tableau, un quatrième tableau, plein de tableaux qui se superposent sur la même surface. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, ce processus-là? Est-ce que tu as une idée claire dès le départ ou est-ce que tu y vas vraiment dans la subjectivité? En fait, souvent j'ai une idée claire de la structure que je vais et souvent je vais tracer au crayon ou au crayon aquarelle, tout ça. Mm-hmm. Ensuite, souvent je travaille mes tableaux, bon, à cause du format de mon atelier, des fois j'en travaille trois en même temps, donc là il y a comme une espèce de famille de couleurs qui va s'installer, mais ça c'est très subjectif, là. Ouais. C'est très intuitif. Mm-hmm. Et puis, ce que j'ai aimé dans ce projet-là, c'est que souvent, bon, un même tableau va recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches de couleurs. Ouais. Là, j'ai comme voulu faire me retenir puis répéter ça sur des tableaux différents qui ont été ensuite assemblés ensemble dans le montage final. Ben merci beaucoup, Richard Cloutier. Merci. Donc, on invite les auditeurs, les auditrices à aller voir cette très belle exposition à la bibliothèque Aliette Marchand. C'est jusqu'au 7 octobre. Et l'artiste va être présent également pour les Journées de la culture le 30 septembre. Nous, on part en pause publicitaire et on revient après la pause avec Jean-Michel René. CKRL, communication, culture. Ici Pierre Blais. Mercredi 19 septembre, l'équipe de Situation Critique et ses invités seront en direct de Place Diouville pour célébrer la tenue du Festival de cinéma de la Ville de Québec. C'est un rendez-vous dès 18h30. Je suis Florent Tanlet, candidat libéral d'Entachereau et résident de Saint-Sauveur. Depuis février, je parcours le comté de fond en comble. Je suis allé vous rencontrer dans vos commerces, dans la rue, chez vous, dans les organismes communautaires où j'ai moi-même œuvré pendant plus de 7 ans. Je connais très bien votre réalité et je suis la meilleure personne pour vous aider. Taschereau est magnifique, riche de sa mixité, fort de ses citoyennes et de ses citoyens, mais nous pouvons aller encore plus loin. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Quand vous irez voter, votez Florent Tanlet. Publicité payée par Benoît Dancause, agent officiel. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Jean-Michel René, bonsoir. Salut. Donc, Jean-Michel, tu es allé voir les expositions Blue Skies de Megan Dickey et Ode aux cœurs endormis de David Martineau Lachance à l'œil de poisson. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux expositions-là? Oui, en fait, moi, je suis bien content de pouvoir en parler parce que c'est des expositions que j'ai vraiment trouvées très rafraîchissantes. Ça a vraiment bien parti ma super saison en art visuel. Oui. En fait, pour commencer avec la proposition de Megan Dickey, qui était présentée dans la grande galerie, en fait, l'artiste nous amène vraiment à travers un univers du cow-boy. Je sais qu'elle a beaucoup travaillé, elle travaille beaucoup par thématique un peu. Puis cette fois-ci, elle nous amène directement dans l'atmosphère des prairies canadiennes avec la présentation justement de l'œuvre Blue Skies, qui est en fait un peu une installation de plusieurs pièces. Au fond de la pièce, au début, on commence avec un peu le cœur, le moteur de l'exposition, qui est une structure vidéo, une installation vidéo qui se déploie sur 5 écrans. Où ce qu'on peut voir une chorégraphie en fait d'une cowgirl qui danse un peu à la manière des danses country, le country dance qu'on connaît bien. Fait que c'est une danse qui est assez rythmée. Puis elle tient dans ses mains une sorte de sceptre qui est assez long. Oui, ça a l'air très, très lourd et encombrant, là. Oui, c'est ça. Puis, en fait, je vais en parler un petit peu plus tard, mais elle s'est beaucoup inspirée de Gabbers, en fait, qui est un sport écossais. C'est un peu le lancer pour les gens à la maison, là, c'est pour faire un peu une image, le lancer du tronc, un peu, où ce que on tient une espèce de tronc d'arbre en équilibre vraiment sur une longue période, puis on essaie de le lancer le plus loin possible. OK. Avec une sorte de notion de contrôle qui est dans tout ça. Et de difficulté, d'obstacle. On sent vraiment que c'est très, très difficile de faire sa danse avec cet objet-là qui est lourd, qui prend dans le vent, qui... Oui, effectivement. Puis c'est ça. Fait que tout au long de la chorégraphie ou de ce vidéo-là, c'est ça, on la suit, un peu suivre, essayer de se contrôler, de maintien. Il y a toute une idée du maintien du corps à travers cette chorégraphie qui est bien rodée. Puis c'est ça. Puis ensuite, un petit peu plus loin, on retrouve l'œuvre de Get Up, qui est en fait... disons deux grandes bandes de tissus qui sont apposées au mur. Mais en fait, c'est un agencement de plusieurs tissus qui forment en fait un dégradé de couleurs, dont à peu près deux grandes bandes de couleurs. Il y en a une qui est de l'ordre du rouge, puis l'autre de plus du bleu. Megan Dickey s'est beaucoup intéressée à toutes les ce qui était notion de pouvoir, elle a comme un intérêt là-dessus, les systèmes aussi qui sont en place, mm-hmm. comment ces systèmes-là ils font pour poursuivre cette idée-là de comment je pourrais dire de pouvoir en fait. Oui, c'est puis, comme... puis on dirait aussi qu'elle travaille sur le renversement de ces pouvoirs-là, sur une espèce de volonté de prendre un rôle de cow-boy ou de montrer aussi la difficulté de le faire. Oui, quand même. Mais en fait, une chose que moi, j'ai beaucoup remarqué dans cette expo-là, c'est que je trouve que tout est bien agencé, qui est assez... C'est une expo qui est très épurée, qui est linéaire aussi. Puis je trouve que ça vient renforcer un peu ce discours-là qui est très dichotomique aussi dans la société. Je trouve que ça venait... il y avait comme une cohérence entre ce qui était présenté puis aussi le discours qui venait avec, justement, mm-hmm. cette notion-là de pouvoir. Puis... je passerais peut-être... en fait, il y avait d'autres œuvres aussi qui étaient en relation. Il y avait en fait des vêtements qui avaient l'idée aussi de comment le vêtement contribue aussi comme objet, comme dispositif aussi de contrôle ou de pouvoir quitter. Oui, puis il y a également des sceptres qui sont exposés. Donc, on peut voir aussi, il y a un lien qui se fait avec cet énorme sceptre qu'elle tient dans les mains, et là, on en voit plusieurs petits qui se déclinent sur la table. Oui, effectivement. Donc, il y a ce jeu de pouvoir-là, la royauté, le pouvoir, le sceptre. Oui, puis tout est parsemé aussi de dorures. Ouais. Le doré, je pense, c'était une couleur qui était bien présente dans l'exposition, puis... Donc, ouais, il y a quelque chose de très narratif aussi, mais en même temps, de très didactique. Il y a les costumes qu'elle porte dans la vidéo qui sont exposés. Il y a les sceptres qui sont montrés, donc on peut suivre un peu le fil de sa pensée, en voyant les différents éléments qui sont présents dans l'exposition. C'est intéressant comme exposition. Oui, moi j'ai bien apprécié. Je passerai ensuite à en fait, l'œuvre de David Martineau Lachance. Oui, dans la petite galerie, oui. Qui est complètement transformée. Oui, c'est ça. Puis en fait, je trouve que c'est un espace qui est assez singulier. On connaît, ben, pour les gens qui fréquentent beaucoup le centre, c'est un espace qui est invitant, qui invite beaucoup à la verticalité aussi dans les pratiques. Puis pour dans le cas de David, il a construit en fait l'espace comme un peu une sorte de tombeau, où en fait c'est une chose qui rappelle un peu le tombeau. C'est ce qu'il présente, c'est une œuvre vidéographique qui est déployée sur trois écrans, mais qui sont présentés aussi collés à la verticale. Il y a toute une idée aussi de la verticalité. Il a transformé aussi la porte qui rappelle justement un peu les portes des tombeaux égyptiens qui vraiment en fait sur le long. C'est assez étroit. Il y a une sorte de forme anamorphique. Puis, en fait, moi, c'est une œuvre que j'ai particulièrement aimée. C'est une vidéo, mais en fait, c'est l'ensemble, c'est un collage de plusieurs vidéos qui se déploie. Moi, j'ai trouvé qu'il se déployait un peu à la manière d'un rêve. C'est vrai, il y a quelque chose du surréalisme aussi. Là. Ben, le surréalisme est très lié au rêve, mais de l'absurdité puis du collage. Oui. Puis, en fait, il aborde beaucoup de. Je trouve qu'il nous plonge dans un univers qui est proche de la science-fiction, puis peut-être un peu de. Oui. J'ai Paul Dergeist en tête, mais un peu de. Des films d'épouvante ou. Non, plus de la. Ah, ça m'échappe, mais c'est... Puis il y a beaucoup d'humour aussi dans son travail. Oui, oui. Mais c'est comme ponctué d'humour. C'est pas un humour qui est présent tout le long. À un moment donné, tu tombes d'images qui sont très contemplatives ou mystérieuses, puis à un moment donné, bang, une image un peu absurde, humoristique. Il y a vraiment il y a un jeu de contraste entre les deux. C'est presque surnaturel, oui. Un petit peu, oui. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait un peu... On était comme dans une construction un peu d'un rêve. Pour faire peut-être un ordre chronologique, on est proche d'une quasiment une nuitée. Je dirais que les premières images sont plus de l'ordre du jour. On a des scènes très texturées de fleurs et de choses comme ça. Mais tranquillement, on plonge vers la nuit. Puis, c'est là qu'il y a des éléments qui sont un peu plus surnaturels qui surviennent. Puis... c'est ça. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, ce qui est intéressant aussi avec le travail de David Martineau Lachance, quand on connaît l'artiste, on le reconnaît dans ses images aussi. Il se met en scène lui-même. Fait qu'on est un peu transporté dans son propre rêve ou dans un personnage d'autofiction. Oui, puis j'avais cette idée-là aussi. Ben, le fait qu'il ait construit la galerie un peu comme une sorte de tombeau, il y a une idée un peu de, pas de solitude, mais que c'est un endroit qui est vécu par une seule personne. Puis l'idée du cœur endormi, il y a comme quelque chose d'un peu romantique aussi, je dirais, dans cette formule-là, où on rentre dans l'univers d'une simple personne. Puis aussi, à travers toutes les images qu'on peut voir dans la vidéo, il y a toujours cette personne-là qui réapparaît, puis comme un peu un culte, un petit peu d'une... Ah ouais, ouais, ouais. Donc il y a une espèce... Ouais, c'est ça, comme un personnage un peu gourou. Ouais, d'une quelconque façon, je dirais. Puis, mais oui, c'est vraiment deux belles expositions qui sont de deux ordres différents, mais en même temps, il y a des rapprochements à faire quand même entre les deux. Ben, moi, j'ai trouvé dans la touche d'humour, parce que c'est deux expositions qui ont quelque chose de sérieux, mais d'humoristique en même temps. Oui, il y a une certaine légèreté. Oui. J'aurais peut-être pas dit humour. Ouais, moi, je vois de l'humour partout. Hein? Mais oui, je trouve que c'est ça, il y a une sorte de légèreté aussi par rapport aux propos qui sont quand même un peu plus, je dirais comme dans l'ordre de Megan Dickey, on rentre dans des problématiques qui sont très actuelles aussi. Oui. Puis très conceptuelles, ouais. Aussi, les liens qui sont faits entre les objets, les agencements, les dispositions. Moi, quand j'ai vu les vidéos avec le son, qui suit ces espèces d'allers-retours dans les vidéos de Megan Dickey. J'étais comme, ah, mais c'est donc bien drôle, ça. C'est vraiment quelque chose. Tu sais, on a quelque chose du gif animé aussi dans ces vidéos. C'est saccadé. Et puis, donc, ils sont présentés jusqu'à quand ces deux expositions-là? Excuse-moi, j'ai pas pris les. Oui, c'est juste, en fait, c'est jusqu'au 14 octobre. C'est du 7 au 14 octobre. Puis. C'est ça, c'est à la galerie de l'œil de poisson. Ben merci beaucoup à Jean-Michel René. Merci. Et nous on part en pause audio avec un extrait de Turkish Lady Face. Mmh. Alors, de retour à l'aérospatial avec cette pièce de Turkish Lady Face de The Underscore Orchestra. Nous avons avec nous en studio Sophie Lessard, la tendresse. Bonsoir. Bonsoir, Gentiane. Donc, Sophie, tu es allée voir l'exposition photo de Marion Desjardins à la Maison de la Danse. Donc, une exposition qui célèbre le premier anniversaire de cette magnifique construction. Exactement. Qui vient d'être installée au centre-ville dans Saint-Roch. Et Marion Desjardins est photographe. Elle a couvert les événements de la Maison de la Danse, mm-hmm. et elle a utilisé ce matériel-là pour présenter une exposition de collage photo quand même assez intéressante. Oui, effectivement. D'abord, Marion Desjardins, que je ne connaissais pas du tout avant d'aller voir l'exposition. On fait des belles découvertes à l'aérospatiale. Oui, vraiment. C'est pour ça qu'on aime ça. Marion Desjardins, donc comme tu l'as dit, Gentiane, qui pratique la photographie depuis vraiment très longtemps. Elle a littéralement baigné là, dans le monde de la photo avec sa famille. Et elle a donc décidé d'en faire carrière. Et elle s'est intéressée donc à différentes formes d'art. Tant donc des spectacles, des projets personnels. En parlant de projets, il y a son projet en 2017-2018, Amour et corps, qui avait beaucoup retenu là, l'attention de Radio-Canada, qui voulait vraiment montrer des corps atypiques, une diversité des corps, en fait, au naturel. Donc, on voit que Marion est vraiment intéressée par toutes sortes de choses, puis ça, c'est très bien perceptible dans son exposition à la Maison de la Danse. Oui, parce qu'on voit des danseurs sur scène, oui. mais sont collés sur des paysages qui sont pas des paysages d'ici, là. Non, effectivement. Donc, je trouve que, justement, Marion le dit très bien dans sa bio sur son site Internet, qu'elle est vraiment passionnée de toute forme d'art, mais je trouve que ça paraît justement très bien dans l'exposition, parce qu'on a un petit peu le mélange des arts visuels avec le collage. Mm-hmm. Donc, vraiment des corps qui sont collés soit dans des paysages. Je pense, on se posait la question, mais je pense que c'est l'Islande, définitivement. Oui, on a déduit que c'était l'Islande. Oui. Mais elle avait une section réservée à l'Islande sur son site Internet, donc je pense que ça ferait du sens. Ou sinon, sur des tricots. Donc, des personnages, en fait, des collages qui semblent être un peu téléportés dans des paysages qui font pas nécessairement sens. Quelque chose du registre un peu du surréalisme, d'aller chercher ce contraste-là, puis d'aller chercher deux univers qui sont totalement étrangers, puis de les mettre ensemble. Oui, effectivement, oui, surréalisme, c'est très bien dit. Il y a l'univers, naturellement, de la danse aussi, là, parce qu'elle va vraiment... elle va chercher à créer avec son point d'ancrage et des événements donc qu'il y a eu à la Maison de la Danse dans la dernière année pour présenter sous forme de 9 clichés. Puis ce que je trouvais intéressant en fait dans le travail de Marion Desjardins, c'était vraiment elle nous force à nous questionner un petit peu sur la question de l'interprétation. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ah, intéressant! Oui, dans le fond, je trouvais que Marion ne donne pas de titre à ses œuvres, puis elle nous force un petit peu à interpréter ses pièces, mais des fois, ça peut faire non-sens. Puis je trouve qu'on va vraiment chercher le thème de l'interprétation tant dans la danse, donc des gens, des personnes qui vont interpréter un registre, mais nous aussi, comme spectateurs de ces collages-là, de ces ouvrages-là, qu'on va chercher à interpréter le paysage surréel que vraiment Marion a créé, en fait, devant nous. Puis je trouvais que ça rejoignait justement tant le monde de la scène comme étant spectateur d'interprétation chorégraphique, mais aussi le monde des arts visuels en étant spectateur de photographie, comme on peut le voir, en fait, dans l'exposition de Marion. Donc, on est un peu dans la notion d'œuvre ouverte telle qu'Umberto oui. Eco l'a mis en place. Donc, une œuvre ouverte qui n'a pas un seul sens, un seul message, mais qui laisse au lecteur, au visiteur, la liberté d'interpréter ce qu'il y a devant lui. Là. Oui, effectivement. Un peu comme dans toutes les œuvres, mais je trouve que c'est encore davantage mis de l'avant avec Marion, justement, en, en prenant des clichés vraiment de danse, de chorégraphie, en fixant un mouvement aussi dans un espace-temps, puis en le téléportant dans un autre espace qui fait non-sens. Ouais. Je trouve que c'est vraiment la notion que Desjardins essaie vraiment de pousser davantage. Alors, c'est présenté à la Maison pour la danse, l'exposition photographique de Marion Desjardins jusqu'au 30 septembre. Merci beaucoup, Sophie Lessard-Latendresse. Merci, Jean-Tiane. Nous, on va partir pour une petite pause audio avec un extrait du prochain album de Sabrina Sabotage qui va être lancé le 27 septembre prochain à Montréal. Donc, Sabrina Sabotage qui faisait auparavant partie du duo Orange Orange. Alors, c'était un extrait de Cœur de robot, donc qui va faire partie du prochain album de Sabrina Sabotage, album éponyme qui va être lancé, comme je disais, avant la pièce, le 27 septembre prochain. Et nous, à l'aérospatiale, on va vous parler de ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc déjà, hier, c'était le vernissage de l'exposition de l'idée au geste, cet univers à découvrir, de la commissaire Carole Baillargeon, avec qui on a discuté il y a quelques semaines. Donc, c'est présenté à la maison Amel Bruno. Et demain, jeudi, le 20 septembre, il va y avoir la conférence de Marie-Lou Kenny-Gagnon, comme on disait tout à l'heure, à 16h30, donc dans le cadre de son exposition Corpuscule, et c'est à la salle de critique de l'édifice de la Fabrique. Il y a également la présentation de résidence Alpha Loop, qui est présenté en 5 à 7 à la Chambre Blanche. Il va y avoir l'inauguration de la Carriole avec l'artiste Gabriel Bélanger qu'on a reçu la saison dernière. Donc, ça va être en 5 à 7 au jardin Jean-Paul Lallier, donc le Parc Saint-Roch. Donc, c'est un projet qui est présenté par Engram et Pêche Sherpa, donc une carriole pour faire de l'impression avec les passants. Également, demain, le vernissage de l'exposition Printemps et autres scènes de Karine Locatelli à Espace Parenthèse qui a débuté cette semaine. Donc, c'est à partir de 17h30 demain si vous voulez rencontrer l'artiste. Également, présentation et table ronde du côté de Critérium sur la rue du Pont avec François Simard et Charles-Frédéric Ouellette qui présentent ensemble leur travail dans l'exposition Trails en bon français, donc qui est présentée jusqu'au 23 septembre. Et pour rencontrer les artistes, qui vont vous parler de leur processus. C'est à partir de 18h demain à Critérium. Vernissage également du côté de Beauport à la bibliothèque Étienne Parent avec l'exposition cosmopolite, enfante et arabesque de Tania Morand à partir de 18h. Dimanche, c'est le vernissage de l'exposition Les automatistes en trois temps à la galerie Michel Guimond. Donc, une exposition qui regroupe les œuvres de 7 artistes signataires du Refus Global. Donc, Marcel Barbeau, Marcel Ferron, Pierre Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, Jean-Paul Riopel et Françoise Sullivan. Ça risque d'être très, très intéressant comme exposition, donc à Michel Guimond. Et de l'autre côté du fleuve, à Lévis, tout l'après-midi, il va y avoir Angela Eve Marsh qui va être dans la vitrine des membres pour inviter les gens à participer à son œuvre, à son installation. Et en soirée, à partir de 17h30, il va y avoir 2 performances dans le cadre de l'exposition Utopie comme méthodologie dont on a parlé la semaine dernière, donc avec une performance de Michel Lacombe et une performance de Jake Moore, toutes deux artistes qui participent à l'exposition. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'exposition, voir ou revoir l'exposition Femmes impressionnistes Berthe Morisot au Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, une exposition à ne pas manquer pour découvrir le travail de cet artiste majeur du courant impressionniste. Donc, on a des œuvres où elle travaille l'ébauche et la transparence de la touche qui est très, très, très impressionnante à voir en personne. C'est également la dernière semaine pour voir l'exposition Revanche de Sylvie Lorrain qui est présentée à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. Donc, ça se termine le 26 septembre. Je vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été à l'écoute de l'aérospatiale. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. J'en profite pour remercier nos invités, Marie-Lou Kenny-Gagnon et Richard Cloutier. Un grand merci également à Jean-Michel René et Sophie Lessard-Latendresse pour les magnifiques chroniques, sans oublier Simon Roy pour les découvertes musicales et Jacques Gignac, le Gustave Klimt de la console. Restez à l'écoute de CKRL 89.1 parce que dans un instant, c'est l'émission Situation critique qui, cette semaine, est en direct de Place Douville au Festival de cinéma de la ville de Québec avec l'inégalable Pierre Blais à l'animation. Bonne semaine et à mercredi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Depuis 10 ans, Première Ovation soutient les artistes émergents de Québec. Tu pratiques la danse, le cirque, les métiers d'art, les arts littéraires, visuels, médiatiques, numériques ou multi? Tu es un jeune professionnel du patrimoine? Première Ovation est présentement en appel de projet dans ta discipline. Consulte le premièreovation.com pour découvrir les moyens à ta disposition afin de créer et vivre tes premières expériences professionnelles. Première Ovation, un tremplin pour la relève. À découvrir sur la fabrique culturelle. Dans ma vie personnelle, je suis très, très do it myself. J'aime beaucoup fabriquer ce dont j'ai besoin, ce dont ma famille a besoin. Émilie Garand, artiste en art visuel, inspirée par la nature. Je m'inspire de la nature, les choses que je vois dans mon environnement, mais aussi des dessins d'images scientifiques, par exemple des fractales. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Vous avez le bassin fracturé puis un poumon perforé, mais vous allez vous en sortir. Docteur, quand ma blonde va être là, pouvez-vous dire que je me suis fait sans skate? Vous ne voudrez pas que ça se sache, parce que tout le monde sait que c'est idiot de texter au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis vous avez l'air loufoque avec mon pyjama. Nouveauté chez Slam Disc, Slater et Fils. Il faut garder ça simple pour que tout le monde sonne pareil. Il faut que ça soit catchy, rien qui chatouille. Découvrez la band de Skorox, Letter et Fist, c'est leur 3e album, Cours d'inconduite. Letter et Fist, disponible partout sur les plateformes en ligne. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, Drôle de père dès le 7, The Children Act et Première année dès le 14, La disparition des Lucioles dès le 21, Les abominables petits pieds dès le 28. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!